Deuxième partie, chapitre 8. De l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Deuxième partie, chapitre 8. Avis très utile sur la pratique de la méditation. Il faut filoter que durant le jour, vous teniez vos bonnes résolutions si présentes à votre esprit et à votre cœur, que la pratique ne vous en manque pas dans l'occasion, car c'est là le fruit de l'oration mentale. Et sans cela, non seulement elle ne sert de rien, mais elle nuit beaucoup. Il est vrai que les fréquentes méditations des vertus sans la pratique, nous enfle l'esprit et le cœur, et nous fait croire insensiblement que nous sommes tels que nous avons résolu d'être. Certainement, cela serait ainsi si nos résolutions avaient de la force et de la solidité. Mais parce qu'elles en manquent, elles sont toujours vaines, et parce qu'elles sont sans effet, elles sont toujours dangereuses. Il faut donc tâcher par toutes sortes de moyens de les mettre en pratique. L'on doit même en chercher les occasions, et les petites aussi bien que les grandes. Par exemple, si j'ai résolu de gagner par douceur l'esprit des personnes qui m'offensent, je les chercherai ce jour-là pour les saluer d'un certain air d'estime et d'amitié. Et si je ne puis pas les rencontrer, de moi j'en parlerai avantageusement. Et je prierai Dieu pour elle. Mais en sortant de l'oration, prenez garde de ne donner à votre cœur aucune agitation violente, car en se penchant dans ce mouvement, il perdrait ce bon céleste qu'il a reçu dans la méditation. Je veux dire qu'il faut un peu demeurer dans le silence, si vous le pouvez, et retenant l'idée et le goût de vos bonnes affections. Faire passer doucement votre cœur de l'oraison aux affaires. Imaginez-vous un homme qui a reçu dans un beau vase de porcelaine une liqueur de grand prix qu'il emportait chez lui. Voyez-les marcher pas à pas sans regarder derrière soi, de peur de faire un faux pas ou de heurter à quelque pierre. Et il s'arrête même quelquefois pour voir si le mouvement de ce vase ne lui fait rien perdre de sa précieuse liqueur. Conduisez-vous de la sorte, après votre méditation. Ne vous laissez pas distraire et dissiper tout d'un coup, mais regardez avec une simple et tranquille attention le chemin que vous avez à tenir. S'il se présente une personne à qui vous deviez parler, c'est une nécessité, et il faut s'y accommoder. Mais ayez l'attention sur votre cœur, de peur qu'il ne perde de la précieuse suavité dont le Saint-Esprit l'a rempli dans l'horizon. Il faut même vous accoutumer à passer de l'horizon, à toutes les actions que votre profession exige de vous, bien qu'elles vous paraissent fort éloignées des sentiments et des résolutions de votre méditation. Ainsi, un avocat doit savoir passer de la méditation au bureau, un marchand au trafic, une femme aux soins de son domestique, avec tant de douceur et de tranquillité que l'esprit n'en souffre aucun trouble. Car puisque l'un et l'autre sont également de la volonté de Dieu, il faut passer de l'un à l'autre avec une entière égalité de dévotion et de soumission à la volonté de Dieu. Il arrivera quelquefois qu'après avoir fait la préparation de votre méditation, votre âme sentira une douce émotion qui la transportera tout d'un coup à Dieu. Alors, filotez, laissez toute cette méthode que je vous ai donnée, car bien que l'exercice de l'entendement doive précéder celui de la volonté, cependant, si le Saint-Esprit opère en vous par les impressions sur votre volonté, ces saintes affections que les considérations de la méditation y doivent exciter, n'allez plus chercher dans votre esprit ce que vous avez déjà dans le cœur. Enfin, c'est une règle générale qu'il faut toujours ouvrir le cœur aux affections qui y naissent, bien loin de les y réprimer ou de les y retenir captifs, en quelque temps que ce soit, soit avant les considérations, soit après. Vous devez encore suivre cette règle pour tous les actes de religion qui entrent dans la méditation, comme l'action de grâce, l'oblation de soi-même et la prière, pour vous que vous leur conserviez toujours leur place naturelle dans la conclusion de la méditation. À l'égard des résolutions qui sont les déterminations des affections, l'ordre naturel est de ne le faire qu'en suite des affections et sous la fin de la méditation, parce qu'ayant en nous y représenter plusieurs objets particuliers et familiers, leur idée pourrait ouvrir l'esprit aux distractions, si elles étaient mêlées avec les affections. Enfin, il est bon d'user de quelques colloques dans cet exercice de la volonté, adressant la parole tantôt à notre Seigneur, tantôt aux anges, aux saints, surtout à ceux qui ont une part au mystère que l'on médite, à soi-même, à son propre cœur, aux pécheurs, même aux créateurs insensibles, comme l'on voit que David fait dans ses psaumes, et d'autres saints en leur méditation et en leur prière. Fin de chapitre 8, deuxième partie.